Notre père qui est au pieu tout le jour à grande âme, malgré les critiques de socialistes vulgaires, créa les maps congénères aux mœurs extraordinaires, que pour plus de simplicité nous nommons la femme. Jamais, Seigneur, je ne douterai de la sagesse de votre main. Oui, cette créature a sans doute une parfaite élégance, mais si dans son bavardage elle dit toujours ce qu'elle pense, je ne peux que trop lui conseiller de penser un peu moins. Oui, cette engeance fabuleuse est aussi une emmerdeuse, il faut le savoir pour ceux qui songent à prendre gueuse. Ne vous fâchez pas si je me moque, je me dois d'être clair. Vous avez l'esprit si ouvert qu'on peut voir à travers. Sous les fameux coups de boutoir des ligues féministes, on s'escrime à mettre au féminin des mots comme ministre, sans faire attention au plus important et ça m'attriste, que plus rien n'existe quand le beau sexe déguise en nudiste. Elle nous domine dans le domaine des habits peu orthodoxes, mais je voudrais au passage soulever un léger paradoxe, car j'en vois tant qui l'hiver tremblant et transi de froid risque la pneumonie avec rien de tissu sur soi. Il y a peut-être une logique, cependant je n'y crois guère, et j'abandonne à d'autres le soin d'y faire la lumière. J'ai dû en disant cela mettre à dos toutes les ménagères. C'est bien car c'est sans hésiter le côté que je préfère. Mais n'étant pas usager des voyages à Sodome, je n'apprécie que de la discussion chez un homme. Et n'ayant défendu comme organe que le cœur, les plaisirs solitaires s'imposent à moi, j'en ai peur. Non pas que la pratique monosexuelle me rebute, car il faut bien épancher nos joies quand vient l'heure du rut. Disons-nous la vérité entre adultes intelligents, je manque d'imagination bien que je sois prêtre au couvent. Alors si je ne peux, ne veux et ne dois pas forniquer, ni non plus me branler cartels et le terme consacré, que me reste-t-il en ce bas-ventre comme solution, si ce n'est, ô Seigneur, la castration.